La fanfare des forces populaires de l'intérieur de Corée a salué son 70e anniversaire. Les quatre intéressés, créateurs et artistes de la fanfare, se sont réunis le 6 pour le commémorer. Le comité central du Parti Travail de Corée leur a adressé un message de félicitations. En fait, le président Kim Il-sung a fondé la fanfare le 6 mars de l'an 36 du Jeudi 1947 et dirigé plus d'une fois ses spectacles pour indiquer l'orientation et les moyens. Le général Kim Jong-il aussi s'est intéressé en profondeur à la fanfare et a précisé les guides à maintenir dans les activités artistiques, notamment la mise en valeur des caractéristiques de la troupe artistique. Le message de félicitations a apprécié la fanfare qui, à ses 70 dernières années, insufflé fierté et dignité de notre parti, de notre État et de notre socialisme prestigieux à tous les militaires et civils et les ont encouragés à appliquer les idées et à défendre la politique du parti à travers leurs activités révolutionnaires et combatives. Les participants ont écouté un rapport et des interventions.